Joachim Turpin qui voudrait flinguer Sarah Raison le soir de sa demande en mariage? Non, non, il y a un truc qui cloche là.